le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes dans le Blues Café en live et en... Francis, nous sommes un peu en famille ce soir. Ah oui, tout à fait Cédric, c'est déjà pas courant de recevoir une, dans le Blues Café une formation des Hauts-de-France. C'est vraiment tout en haut de la France, comme son nom l'indique, mais encore moins lorsqu'il s'agit d'une même famille. Mais nous, finalement Cédric, nous sommes aussi une grande famille, celle du Blues Café, n'est-ce pas ? Cela faisait quelque temps que nous souhaitions la visite de Sweet Scarlett et c'est chose faite au jeu des sept familles. Dans la famille Iblot, je demande Caroline au chant, Vincent à la basse, Patrick à la guitare, Rémi à la batterie. Bienvenue à la famille Sweet Scarlett. Down below, at a time. Ils s'appellent Sweet Scarlett et c'est leur premier Blues Café Live. Ça s'arrose en général le premier Blues Café Live. On s'en souvient toute sa vie, n'est-ce pas, Francis? Absolument. Je me souviens encore de mon premier Blues Café avec toi. tu n'as pas été déçu, tu es revenu et à chaque fois. Exactement. Tu reviens. Hein. Ça, c'est bien. Nous allons accueillir donc Caroline. Bonsoir. Ouais, on sait que tu es un petit peu malade aussi, que tu as la voix... Absolument pas. Bon, c'est bien, ouais. Et Rémi. Exactement. Bien. Alors, on va commencer par toi, puisque tu as une voix claire et limpide, Caroline. Évidemment, on ne va pas te demander, comme à chaque interview, j'imagine d'où vient le nom du groupe, car je sais que ça t'énerve. Donc passons à autre chose, passons Francis. Tout de suite à autre chose. Pourquoi Sweet Scarlett? Alors Francis, alors Sweet Scarlett, parce qu'une fois, je suis tombée sur une couverture rouge éclatante qui m'a vraiment donné envie d'appeler... Elle était douce comme tout, et je me suis dit, oh là là, mais si j'appelais mon groupe Sweet Scarlett, parce que cette couverture est merveilleusement douce et éclatante, et ça fait douce écarlate. Et c'est beau. Et c'est toi la douce écarlate? Non, blague à part, franchement, j'ai un de mes amis qui m'a fait remarquer la dernière fois qu'effectivement, Sweet Scarlett, c'était la traduction de douce écarlate. Et je trouvais que ça nous allait bien à tous, ce côté un petit peu ambivalent, tu vois? Plein de contradictions, quoi. Il paraît que tu étais comédienne avant de chanter. Mais je suis toujours comédienne, mon cher Francis. C'est Cédric. Je suis toujours Cédric. Appelle-le Cédric entre Francis, c'est facile. Francis, c'est le plus jeune. Et je ne vois que Francis, tu sais. Et comment ça, tu es toujours comédienne? Ben oui, je lis les deux métiers, chanteuse et comédienne. Je fais les deux toujours. D'accord, donc tu fais du théâtre. Oui. Et ça t'aide, j'imagine, aussi dans ta gestuelle scénique? Je n'en suis pas sûre. Ça a été deux travails. Je ne sais pas si on me dit de travail ou de travaux, parce que voilà, mais... Il y en a 12 en général, les travaux. Mais... Non, c'était un travail différent. Moi, j'ai une formation de comédienne et ça n'a pas été si simple que ça de monter sur scène comme chanteuse, parce que je ne voulais pas monter sur scène en tant que chanteuse et jouer la comédie. Je voulais être moi, en fait. Et c'était très dur. Et par contre, si tu es amenée à être chanteuse pendant une pièce de théâtre, ça va être compliqué, ça? Pas du tout, non. Parce que si je suis un personnage, ça n'a rien à voir, en fait. Bon, on a dit que vous étiez une famille. Là aussi, j'imagine qu'on vous pose souvent la question. Comment c'est né justement, pas la famille, mais le groupe Sweet Scarlett. Un beau jour, vous en avez marre des repas de famille. Vous dites, tiens, on va prendre des instruments, on va jouer. Non, mais en fait, on a toujours joué de la musique. Mon père, donc du coup, a fait des concerts depuis très longtemps. On le vieillit pas. Avait une école de musique. Donc du coup, nous, on a appris la musique dans cette école de musique. Et voilà, on a monté nos premiers groupes dans cette école-là. Et puis après, au bout d'un moment, voilà, on a décidé de jouer ensemble et de faire un bout de route ensemble. Voilà. Ouais. Alors, qui nous présente un peu tous les membres de la famille là ? Alors, il y a le père, Patrick. C'est ça. J'ai le patriarche. On applaudit le patriarche. Guitariste et puis... on compose la musique tous les deux de Sweet Scarlett. Après, il y a Vincent, mon frère, mon petit frère à la basse. Pioche, je ne l'ai pas celui-là. Après, Caroline, ma compagne. Très bien. Et moi-même, Rémi. Voilà. Son compagnon. Exactement. Justement, puisqu'on parlait de Patrick, c'est donc le patriarche. Est-ce qu'il a une voix prépondérante, justement, à ce titre ? C'est pas vraiment comme ça qu'on travaille. Hein. Non, alors, comment vous travaillez ? On se connaît tellement par cœur qu'en fait, on compose avec mon père dans nos studios respectifs. On s'envoie les pistes et puis les morceaux naissent comme ça. En fait, moi, quand je compose un morceau, genre Rockin' That Soul, le titre de l'album. On va y venir. J'ai fait une partie de la musique et en fait, je savais, en ayant composé le morceau, exactement ce qu'il allait jouer. Donc, je lui envoie les pistes, il m'envoie un bout de guitare et en fait, c'est exactement ce que j'avais pensé. En fait, et du coup, c'est très compliqué de dire comment on fait parce que du coup, ça vient tout seul, quoi. Bah, c'est-à-dire que comme ils ont appris la musique ensemble, ils ont exactement la même façon de fonctionner. Ouais. Donc, oui, c'est... C'est marrant, cette petite voix. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement naturel, quoi. Quand ils composent un truc, ça vient tout seul et ils sont le même mode de fonctionnement, quoi. Ça ne vient pas forcément tout seul parce que j'ai lu que le déclic qui vous a amené à votre style de musique s'était effectué lors d'un festival en écoutant Lucky Peterson et Jean-Jacques Milteau. Alors déjà, on a échappé à Céline Dion. Mais bon, vous n'écoutiez pas du blues. Bah, si, si. En fait, pareil, notre père a écouté... Ne saoulez pas avec ça, mais c'est peut-être le moment de lui dire. Vas-y, on se dit tout dans le bouquin. Non, il écoutait cette musique régulièrement, même s'il y avait d'autres styles à la maison. Mais en fait, ça venait tout seul. Et du coup, moi, je me suis mis à jouer les premiers shuffles sur ce style de musique à la batterie. Naturellement, je jouais avec lui. Mais ça passait de Lucky Peterson, Buddy Guy, toute la clique des Kings, mais aussi du Magma, enfin plein de trucs, tout ce qui passait, quoi. Du coup, chez Dini, ça a été vraiment le lancement de ce groupe où on s'est dit, oh punaise, ça peut être vraiment bien de faire cette musique où on l'avait jamais vraiment fait en live, en fait, où on faisait dans des jams, voilà. Et puis du coup, on s'est dit, on va se réunir, on va jouer. Et puis mon père, il organisait des jams à cette époque-là et on a démarré comme ça, là-bas. Et par chance, tu as épousé une chanteuse. Oui, parce qu'en fait, il fallait faire un groupe. C'est ça. Du coup... voilà. Je vais pas plus loin dans le... Non, la vérité, c'est que moi, j'étais comédienne et que lui s'est dit, tiens, Caro, si tu chantais, ce serait cool. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à chanter. Alors revenons à vos albums, et avant de parler du dernier album, revenons un instant sur les précédents. D'abord le premier en 2016, je crois, c'est ça, 2016, simplement nommé Sweet Scarlett. Hein. C'était des reprises, des standards de rhythm and blues. Comment ça fait le choix dans un si large spectre musical, justement, du blues et rhythm and blues? Vous avez picoré un peu à droite pour tout ce qui représentait ce style de musique? Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est prendre des morceaux qui nous ressemblaient, chacun avec nos différents bagages, que ça soit technique et puis culturel. Et du coup, voilà, on a pioché dans des morceaux qu'on aimait bien de ce style-là, quoi. Les Shotgun, Junior Walker, on a fait Voodoo Woman, Coco Taylor. C'était peut-être une façon aussi de trouver de la cohésion. Exactement, entre vous, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, comme du coup, c'est né aussi avec les jams que mon père a organisé. Du coup, hop, on se mettait des morceaux en répertoire pour jouer en première partie. Et puis, voilà, du coup, c'est pour ça que dans nos sets, on jamme beaucoup. On s'amuse avec les titres, on change un peu les parties. Voilà, pour rester dans cette mouture-là, quoi. La jam et puis de jouer avec les morceaux, quoi. En 2019, un second disque, il s'appelle Sell Your Ticket. Et là, vous avez franchi le pas des compos. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est... Nous, dans les groupes qu'on avait avant, on avait toujours composé. Mmh. Et là, on revient vraiment à ce qu'on avait envie de faire. Après, quand on lance un groupe, c'est jamais évident de voir comment les morceaux vont prendre avec le public. Donc là, on s'est dit, allez, on y va, on franchit le cap et puis on y va, quoi. Et ça vous a permis aussi de bénéficier de concerts, de scènes. Vous avez commencé là à tourner un peu partout et même d'ouvrir pour de belles pointures, hein. Vous pouvez en citer quelques-unes. On a fait du coup Archie Hooker, on a fait Slade, le neveu. Hein. Ouais, on a fait Slade, Kaz Hawkins, Donald Ray Johnson, ouais. Kokomo. Kokomo, ouais. Je sais tout sur vous. Ah bah oui. tu sais même plus que nous. Un mot, on en a parlé tout à l'heure sur le titre Rocking That Soul qui donne son nom à l'album. Je trouve que c'est un titre qui a un petit esprit Led Zeppelin, non? Complètement, ça fait partie de nos influences. La musique des années 70, ce son très organique, cette puissance. Et puis mêlant, parce qu'en fait dans Led Zepp, il y a aussi, enfin, pour moi, je trouve une grosse part de blues aussi. Du coup, c'est liant un peu avec notre musique, je trouve, Led Zepp. Chacun, on a tous écouté énormément. Et puis la richesse des compositions, c'est magnifique. Tu le disais tout à l'heure, votre ambition aussi, c'est de sonner Sweet Scarlett, c'est d'arriver à avoir une identité sonore qu'on a bien entendu là-dessus et qu'on entend bien sur le disque. Je le montre, ce qui ne sert absolument à rien puisque nous sommes à la radio. C'est très radiophonique. Mais c'est vraiment maintenant, voilà. C'est la volonté d'arriver à vraiment trouver une identité Sweet Scarlett dans votre son. Oui, bien sûr, de toute façon, ce que chaque groupe recherche, c'est vraiment avoir une identité propre, sonner. J'ai pas envie de faire une copie de quelque chose qui existe déjà, et même si on a des influences, de toute façon on est obligé. Alors cet album, on en reparlera tout à l'heure dans la seconde intervention. En attendant, eh bien, on va vous demander de rejoindre la scène du Blues Café. Le temps que tu boives quelque chose de chaud pour chauffer ta voix. Et on va écouter, Francis, un groupe que l'on aime bien tous les deux qui s'appelle les Freaky Buds. Très bel album qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques semaines. Ouais, les Freaky Buds, c'est l'un des groupes majeurs de la scène nantaise qui, comme chacun le sait, est la scène blues la plus importante en France depuis quelques années. Avec des musiciens, alors c'est un groupe mené par Max Genouel, chanteur, bassiste, etc., qui jouait parce qu'il n'a plus le temps avec Malton Milk et d'autres artistes. Et ils ont sorti donc un très bel album, vraiment excellent, bien produit, avec l'aide d'Arnaud Fradin, le leader de Malton Milk, justement, au niveau de la direction artistique. On écoute Live My Life, The Freaky Buds. All I get, all I gotta do is walk my own path. Too quick to judge, don't be unfair. To live and let live, minding my own life, minding my own life. Ooh, I live my life. Special life. Weeds to remove, flowers to grow. What's in my yard is for me to decide. I got to hold on and take it slow. And as the time goes by, it will just be alright. Just to be alright. Ooh, I live my life. And if I don't know how to do it, unsure of what's ahead, I can't love and cry. I'm sure carried by the wind and it can take me down. I won't have to lie, won't have to pay. What goes around will surely come around. Surely come around. Ooh, I live my life a special life. Ooh, live my life. Un groupe à suivre, The Freaky Buds, un groupe à suivre également sur la scène du Blues Café, il s'appelle Sweet Scarlett. D'une certaine pression sociale et familiale. J'aimerais bien qu'on lui fiche un petit peu la paix. Cette fille, c'est Marie-Lou. Rolling hay on your break time. All the time, that's true. I love this man, the street is line. With every hot air out for you. Marie-Lou, don't be cruel. Mind your wheels, my mercy. Now we'll live. think you're going crazy, woman, knocking on you. But I think you will understand my lesson if you just listen to me. Il s'appelle Caroline, Vincent, Patrick, Rémi, le groupe Sweet Scarlett. Sweet Scarlett qui vient de sortir un nouvel album. L'album s'appelle Rocking That Soul. Au final, tout est dit dans ce titre d'album, Rock et Soul. Ça résume bien vos influences. Puis on a vu là avec les deux titres que vous venez de jouer que vous auriez pu rajouter funk aussi, deux titres assez funky. Ça fait aussi partie de votre package d'influence ? En fait, on est fan des Meters, Tower of Power, tout ce genre de groupe funky. Donc ça imprègne vraiment notre groove. Avec mon frère, on est vraiment fan de Tower of Power. Donc on essaye de ramener ça aussi dans notre son, en mélangeant voilà, le côté rock, funk, les influences blues. La soul with a capital S. Soul avec un S majuscule. Un mot sur ce titre, Marie-Lou, puisqu'il ne figure pas sur votre album. Alors, vous êtes venue pour parler de votre album et vous faites un titre qui n'y figure pas. Exactement, parce qu'il est sur le deuxième album et qu'on l'aime beaucoup. On le chante, on le fait souvent dans notre set. Parce qu'il fait partie, il fait pas mal partie de notre identité, Marie-Lou. Il fait partie des premiers titres qu'on a créé avec Sweet Scarlett. Il rassemble bien, je dirais, tout ce qu'on aime, un petit peu dans ce qu'on fait. Et qui est cette Marie-Lou ? C'est un personnage imaginaire. Désolée. Alors, on l'entend quand lorsque vous jouez sur scène, vous êtes extrêmement bien calé. On se disait ça pendant que vous jouiez avec Cédric. C'est vrai qu'on s'est dit ça. Tu le confirmes. Vraiment. Tu me l'as dit dans les mêmes termes, ils sont bien calés. Et je t'ai dit effectivement. Mais quand on écoute l'album aussi, il y a une production qui est aussi extraordinaire, je trouve, très bonne. Alors, tu montres Rémi, donc c'est Rémi, l'auteur de la production, mais il me semble aussi que vous avez un ingénieur du son, qui est d'ailleurs là ce soir. Oui, mais notre ingénieur du son, il est là ce soir. Il fait rien. C'est notre ingénieur du son en live et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Vieuxville et qu'on remercie. Voilà. Mais et qu'on l'emmène partout avec nous. Ah bon, oui. Oui, on l'emmène partout avec nous. On aime bien quand il est là. Non, mais l'ingénieur du son de notre album, c'est Rémi, par contre. D'accord, c'est toi, Rémi, donc, qui assure toute la production artistique. Oui, c'est ça. Mais en fait, ça fait partie maintenant de mon deuxième métier. Je ne l'avais pas forcément choisi. Parce qu'en fait, comme quand on monte un groupe, de toute façon, il y a toujours le moment où il faut rentrer en studio. Moi, dans toutes les formations que j'ai eues, j'ai jamais été content du son des disques, et donc du coup je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Pierre Jacquot, qui est un ingénieur du son français, qui a fait Ray Charles, qui a fait Sting, Peter Gabriel. Ah, et, quand même. Et du coup, il m'a pris sous son aile. On a construit un studio chez moi, avec, parce qu'il est acousticien aussi, donc on a fait toute l'acoustique du studio. Et j'ai récupéré le trois quarts de son matériel dans mon studio. Donc maintenant, on a un vrai studio où on fait voilà, de la prod. On peut venir faire nos émissions peut-être aussi. Ben bien sûr. Oui. Pourquoi pas ? Et en fait, voilà. Et du coup, je fais les disques de Sweet Scarlett. Et puis après, maintenant, je fais d'autres disques. Alors, il y a une section rythmique quand même qui est assez redoutable. Et puis, il y a quand même Patrick. Hein. Je crois qu'il faut applaudir quand même Patrick, le patriarche guitariste. Hein. Et qui est discret, hein, il est assez discret, assis sur une chaise, mais il a un toucher de guitare qui est quand même assez exceptionnel, notamment sur, alors je sais plus parce qu'on a changé quelques titres sur la setlist, mais sur le Last Time et sur le Final Call, très Stevie Ray Vaughan, alors je sais pas si c'est un de ses maîtres à la guitare. Oui, enfin, clairement, ses influences, c'est Hendrix, Vaughan, Jimmy Page, Jeff Beck, mais Vaughan, moi j'ai entendu Stevie Ray Vaughan un nombre de fois incalculable en CD à la maison, voilà quoi. C'est le maître de la dynamique du groupe. Oui, bah, en quelque sorte. Comment ça fonctionne justement le travail entre vous? Vous en avez un petit peu parlé, mais sur la partie écriture, arrangement, comment vous partagez un petit peu le travail? Bah, du coup, on fonctionne en repas de famille le dimanche midi. Qui fait quoi? Bah non, parce qu'en fait, en repas de famille, on fait un repas de famille avec les enfants, tout le monde. Ouais. On parle forcément fatalement de musique, mais c'est plus en termes de maintenant, on a tous notre studio et puis après on rapatrie tout. Chez moi, pour après finaliser les albums, on s'envoie des idées et on construit les disques comme ça, quoi. Si la mélodie, on vient d'en parler, des titres a été réalisée par le groupe, en revanche, nous croyons savoir que les textes sont écrits par une parolière anglaise qui s'appelle Harriet Clayton. Comment s'est passée votre collaboration entre toi, Caroline, et elle? Eh bien, cette collaboration a commencé parce que j'ai écrit un des titres. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de raconter des trucs dans les chansons et qu'avec mon niveau d'anglais, l'écriture, c'était pas aussi bien que ce que je voulais dire. Donc, j'ai cherché à rencontrer quelqu'un et il s'avère que notre ingé son de live a passé du temps à Londres pendant quelques années et a rencontré cette fille qui est parolière. Donc, avec Clayton, on s'est rencontrés comme ça. On ne s'est jamais vu que par WhatsApp. On passe des heures à discuter sur WhatsApp. Ça fait 1000 ans qu'on doit se voir, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Ah ouais, ouais. D'accord, ça c'est bizarre. Hein, c'est curieux. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on rigole toutes les deux par WhatsApp. Je lui dis, ouais, tiens, dans cette chanson, je voudrais parler de ci, de ça, machin, etc. Et puis après, c'est elle qui écrit. Vous souffrez pour moi. On souffre pour toi. En plus, ce qui est un peu compliqué, et c'est peut-être la raison de notre hésitation, c'est que la question d'après était sur ta voix. Et du coup, on va quand même te la poser. Et on voulait avoir justement ton sentiment sur ta voix qui a énormément progressé sur scène et qui est nettement plus profonde, chaude et Saoul. Mais c'est vrai que ce soir, tu es un petit peu empêché. Ah bah ce soir, oui. Ce soir, je ne suis pas au maximum de mes capacités. Malheureusement, j'en suis navrée. Mais bon. Non, mais c'est vrai, moi qui t'ai entendu, qui vous ai vu et qui t'ai entendu il y a 2 ans, 3 ans déjà, donc j'ai trouvé vraiment qu'il y avait eu beaucoup de progression dans ta voix, beaucoup plus chaude, beaucoup plus soul. Eh bien, en fait, il s'est passé que j'ai pris une coach. Voilà, j'ai pris une coach vocale pour travailler des points techniques de ma voix, pour découvrir des choses, pour pouvoir moi aussi travailler, me donner des routines, etc. Donc du coup, j'ai commencé à travailler comme ça. Et aussi les concerts, du coup, forcément. Puis après, on s'assume aussi de plus en plus en tant que chanteuse. Et du coup, on s'amuse aussi, forcément, plus on s'assume et plus on s'amuse et plus on explore. Donc voilà, aujourd'hui, je suis très concentrée. Alors on voit bien que tu t'amuses là avec ta voix ce soir. Sur le titre, sur l'album, pardon, il y a un titre qui est curieux, c'est le dernier qui s'appelle Mandala. C'est un petit peu le George Harrison sur un album des Beatles, un titre avec des influences assez indiennes. Il y a un sitar d'ailleurs, j'ai l'impression, sur ce titre. Un harmonica, je crois, mais qui flirte un peu avec le son. Oui, du effectivement. Sitar, hein. D'accord, tu vois, je m'y suis laissé prendre. C'est un rapport avec l'Inde. Pourquoi ce titre, cette inspiration, cette petite parenthèse? En fait, ce morceau, donc c'est c'est moi qui l'ai composé, c'est je suis. Tu es le George Harrison de Sweet Scarlett. Oui, oh, il a fait, déjà le visage, un peu la barbe. J'ai même joué la guitare, par exemple. Ce que j'ai dit, j'avais fait une guitare acoustique, ils ont pris ce témoin comme ça, puis je voulais le proposer au groupe pour voir un peu si on en faisait un autre arrangement. J'ai envoyé à mon père, il m'a dit, mais non, mais faut laisser comme ça, c'est très bien comme ça. J'ai dit, ah bon, t'es sûr? Avec, c'est quand même moi qui joue de la guitare dessus. Après, c'est ton papa, il n'est peut-être pas très objectif, si. Bon, voilà, après, bon, vous écouterez le titre et vous me direz. Et en fait, j'avais toujours voulu écrire un morceau lent. J'ai jamais fait de, on n'a jamais joué, enfin, fait de morceau lent, ni joué de morceau lent. Je me suis dit, c'est quand même con, quoi. On fait que des trucs funky ou des trucs qui... Péchu. Je me suis dit, le contraste, ça peut être sympa. Et en fait, l'instrument qui ressemble à une sitar, c'était un harmonica. Ouais. Je me suis fait prendre ça s'appelle la voix. Alors, on trouve aussi une reprise sur cet album. Non, mais alors, c'est pas sérieux, ça, quand même. Hein. Bon, elle me plaît beaucoup, puisque c'est pas n'importe laquelle. Il s'agit du All Along the Watchtower de Bob Dylan. Mais là, franchement, je trouve qu'elle a... Elle est plus proche de la version d'Hendrix. Hein. Pourquoi cette visite? En fait, on nous a demandé pendant le confinement de faire un titre. Vous savez, il y avait plein de trucs, partager des moments, tout ça. On devait envoyer des vidéos. C'est le journal local de chez nous qui nous a dit « Vous pourriez pas nous envoyer un petit truc pour dynamiser la culture ?» Bon, nous, on avait craqué un peu sur ce titre-là et on s'est dit « Tiens, du coup, on va faire ça. » Donc, on a envoyé un petit bout de ça. Et en fait, on s'est rendu compte que on aimait vachement bien bosser ce truc-là. Et on s'est dit « Bah tiens, on fait un album, on a qu'à le mettre sur l'album. » Mais c'était vraiment, enfin, on n'a pas trop réfléchi, je sais pas, c'était vraiment le truc. Il fallait un truc pour le confinement, on s'est dit « Ça, on aime bien, on va faire ça. » Et en le travaillant, on s'est dit « Ah bah, on va aller plus loin. » We'll be right back. Café, l'émission concert en public, le meilleur de la scène blues. L'album se nomme Rocking That Soul, on peut vraiment applaudir Sweet Scarlett. Cet album en tout cas est né sous de très bons auspices avec un beau distributeur, l'autre distribution, et puis également une redoutable chargée de promotion, Sophie Louvet, que l'on salue et qu'on connaît bien depuis plusieurs années, notamment pour faire la promotion des disques de Dixie Frog. Alors un autre personnage, rapidement, que je connais très bien et qui a travaillé avec vous sur votre clip, c'est Julien Dubois, qui est vidéaste. Il est musicien et vidéaste. Comment ça s'est passé, cette rencontre? En fait, on a vu un clip de Alexis Evans. On a adoré ce clip et on s'est dit, tiens, c'est qui le réal? Voilà, on a vu que c'était Julien et on s'est dit, ah, pour notre clip, on va l'appeler. Voilà. C'est quelqu'un de très inventif, là. On vous retrouve sur scène maintenant, Sweet Scarlett, sous les applaudissements, les acclamations de notre public. Sweet Scarlett! Que celui que vous venez d'entendre, celui que vous venez d'entendre, c'était une histoire de rupture, et le suivant aussi, mais pas dans le même sens. Yeah, my words are loud. pass the time. Talk, never listen in all my day. Oh, my mercy, no my love. All frail and dusty for all my days. I'm making myself with all my grace. Loud and capricious, heal my. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Merci à toute l'équipe du Millennium, Stéphanie, Margot, Ludo, Sébastien et tous ceux qui sont derrière aussi. Merci à vous, le public. Merci de nous être fidèles et de venir toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à retrouver toutes les dates sur le www.bluesactu.com. C'est moi aussi qui perds ma voix. Il n'y a pas que Caroline. Merci à Rémi à la batterie, Patrick à la guitare, Vincent à la basse. Et un immense merci à Caroline au chant, puisque ça n'a pas été facile pour elle ce soir, mais elle a assuré un max, donc vous pouvez lui faire un tonnerre d'applaudissements. Sweet Scarlett, leur album s'appelle Rocking That Soul, et c'est un indispensable dans votre discothèque. Merci à vous en tout cas, et à très bientôt. Ciao. Alors, merci infiniment, merci pour votre écoute, merci. Merci pour votre convivialité. C'était un super moment qu'on a passé avec vous. On vous en fait un dernier. Just so now, just so now, just so now. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Dates et renseignements sur bluesactu.com. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. To the bar.